Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 84. De la connaissance des corps. L'âme connaît-elle les corps par l'intelligence? Les connaît-elle par des idées innées? Les connaît-elle par les raisons divines ou éternelles? Origine des idées. Rôle des images sensibles. Ce qui arrête l'action de l'intelligence. 1. L'âme connaît-elle les corps par l'intelligence? Si notre âme ne connaissait pas les corps par l'intelligence, il faudrait dire que les sciences physiques, qui traitent des corps mobiles, n'existent point, car toute science réside dans l'intelligence. Pour établir contre les philosophes anciens la certitude de nos connaissances au sujet des choses corporelles, qui sont si changeantes, Platon supposa l'existence de certains êtres séparés de la matière, qu'il appela espèces ou idées. Selon lui, notre âme perçoit les espèces immatérielles auxquelles les corps participent, mais non pas précisément les corps eux-mêmes, et, pour arriver à la connaissance des choses matérielles, il lui faut recourir à des substances qui en diffèrent sous le rapport de la manière d'exister, comme si des espèces immatérielles et immobiles pouvaient nous fournir la connaissance de la matière et du mouvement. Son erreur provenait de ce principe, vrai en soi, que toute connaissance s'opère au moyen d'une certaine ressemblance, car, de ce que la forme de l'objet compris est dans l'intelligence d'une manière universelle, immatérielle et immuable, il concluait à tort que cet objet devait être tel en soi, tandis que la forme sensible des choses matérielles elle-même est autre dans l'objet réel qui existe en dehors de l'âme, et autre dans nos sens, où elle se trouve dégagée de la matière. Lorsque, par exemple, ils perçoivent la couleur de l'or sans l'or lui-même. Ils ne voyaient pas que notre intelligence reçoit, de même, d'une manière immatérielle et immobile, conformément à sa nature, les images des corps, qui sont en elles-mêmes matérielles et mobiles, et que l'âme humaine connaît ainsi les corps par l'intelligence, d'une connaissance immatérielle, universelle et nécessaire. Note. L'intelligence, au moyen des images immatérielles et intelligibles que l'âme possède essentiellement, perçoit les corps d'une façon plus éminente que les sens, elle les connaît à la manière de Dieu et des anges, et de là vient que les sciences physiques sont immuables, bien qu'elles aient pour objet des choses changeantes. Fin de la note. 2. L'âme connaît-elle les corps par sa propre essence? Une autre erreur des philosophes anciens est d'avoir supposé que l'âme connaît les choses corporelles par sa propre essence. Ils le concluaient des deux principes suivants, dont ils exagéraient la portée, le semblable est connu par le semblable, la forme de l'objet connu est dans le sujet connaissant, telle qu'elle est en soi, d'où ils inféraient que, les choses connues étant matérielles, l'âme l'était aussi. Alors chacun d'eux lui donnait la nature du principe générateur qu'il regardait comme la cause des choses, elle était feu, air et eau, suivant qu'il leur plaisait de prendre l'un de ces éléments pour la cause universelle, si bien qu'au dire d'Empédocle, elle était composée des quatre éléments et de deux moteurs. Le philosophe de Stagire fit justice de ces théories matérialistes et ridicules. Réfutant Empédocle et ses adhérents, il montra qu'en vain l'on donnait à l'âme la nature de tous les principes pour qu'elle connût tous les êtres, si on ne lui donnait encore la nature même des êtres et leurs formes, les os, la chair et le reste. Si l'âme connaît le feu par le feu, ajoutait-il, d'où vient que le feu qui est hors de l'âme ne connaît pas le feu? Il lui fut aisé de conclure que les objets matériels connus de l'âme existent en elle spirituellement, et non pas matériellement. Et, en effet, La connaissance est d'une nature directement opposée à l'essence même de la matière. Plus le sujet connaissant possède immatériellement la forme de l'objet connu, plus il en a une connaissance parfaite. Aussi les intelligences les plus élevées sont précisément les plus spirituelles. Il suit de là que l'âme ne connaît pas les corps par son essence même. Note. S'il y a une intelligence qui connaît toutes choses par son essence, il faut que son essence possède tout, non matériellement, comme le supposaient les anciens, mais immatériellement. Or, c'est là le propre de Dieu, dont l'essence est le type parfait de tout ce qui existe dans l'univers. Lui seul connaît tout par son essence. L'âme humaine ne connaît rien de cette manière. Fin de la note. 3. L'âme connaît-elle les corps par des espèces ou idées naturellement innées? Le philosophe a comparé l'intellect à une table rase sur laquelle il n'y a rien d'écrit. D'accord avec lui, nous ne pensons pas que l'âme humaine connaisse les choses corporelles par des images intelligibles naturellement innées. Chacun sait qu'au début, elle est simplement capable de recevoir les impressions qui produisent la sensation et les images qui donnent lieu à la connaissance. L'enfant, tant pour les sens que pour l'intellect, n'a d'abord que la puissance de sentir et de connaître. Passant ensuite de la puissance à l'acte, il sent sous l'impression des choses sensibles, et connaît en apprenant des autres, ou en découvrant par lui-même. Selon Platon, notre âme est naturellement remplie de toutes les espèces intelligibles, et le corps seul les empêche de se produire. Mais d'où vient que l'âme, qui, dans son système, a la connaissance naturelle de toutes choses, l'oublie si bien qu'elle ne sait pas même qu'elle en est douée? Oublie-t-elle ce qu'elle sait naturellement, par exemple, cet axiome, le tout est plus grand que la partie, et les autres semblables? De plus, il lui est naturel d'être uni à un corps, or, comment se fait-il qu'un état naturel soit précisément ce qui entrave totalement un acte naturel? Pourquoi, d'un autre côté, l'individu qui est privé d'un sens n'a-t-il nulle connaissance des choses que l'on perçoit ordinairement par ce sens? L'aveugle n'a-t-il la notion des couleurs? Il n'en serait pas privé, assurément, si les idées de toutes les choses intelligibles étaient naturellement innées dans son intelligence. N'admettons donc pas que notre âme connaît les choses corporelles par des idées ou espèces intelligibles naturellement innées. 4. Les idées ou espèces intelligibles sont-elles, dans notre âme, une émanation de certaines formes séparées? Platon le croyait, mais à tort. S'il en était ainsi, quelle raison satisfaisante pourrait-on assigner à l'union de l'âme avec le corps? Pourquoi cette union, si l'âme, d'après les lois de sa nature, devait recevoir les idées par l'influence de certaines substances séparées, et non pas par l'intermédiaire des sens? Ne serait-ce pas en vain qu'elle serait unie au corps, si elle n'en avait nul besoin pour l'exercice de l'intelligence? Puis, s'il était dans sa nature d'acquérir ses connaissances par des espèces émanées de quelques êtres supérieurs, comment expliquer que l'aveugle né n'a point l'idée des couleurs, et que l'homme privé d'un sens n'acquiert jamais la connaissance des choses que l'on perçoit ordinairement par ce sens? Note. Nous ne prétendons pas que les idées reçues par notre intelligence ne doivent pas être ramenées à un principe essentiellement intelligible comme à leur première cause, qui n'est autre que Dieu. Mais nous soutenons qu'elles procèdent de ce premier principe par l'intermédiaire de la forme des choses sensibles, et non par le moyen d'un intellect séparé, à moins que cet intellect séparé ne soit regardé comme cause éloignée. Fin de la note. 5. Notre âme connaît-elle les choses dans les raisons éternelles, aux formes subsistantes par elles-mêmes que Platon avait imaginées sous le nom d'idées, Saint Augustin, substituant les raisons éternelles qui existent dans la pensée divine, enseigna que l'âme connaît la vérité dans les raisons ou des divines. Si vous voyez l'un et l'autre que ce que vous affirmez est vrai, dit-il, et si nous voyons également l'un et l'autre que ce que j'affirme est vrai, où le voyons-nous, je vous prie? Je ne le vois pas en vous, vous ne le voyez pas en moi, mais nous le voyons tous les deux dans l'immuable vérité qui est au-dessus de nos intelligences. Assurément, pendant cette vie, notre âme ne voit pas les choses dans les raisons éternelles comme on voit dans un miroir les objets dont l'image y est réfléchie. C'est là le partage des bienheureux, qui voient Dieu et toutes choses en Dieu. Mais, comme nous disons aussi que nous connaissons une chose dans une autre lorsque celle-ci est le principe de notre science, l'âme, en ce sens, voit les choses dans les raisons éternelles, par la participation desquelles nous avons le moyen de tout connaître. La lumière intellectuelle qui est en nous, qu'est-ce autre chose, en effet, qu'une participation et une image de la lumière incréée où sont contenues les raisons éternelles? Voilà pourquoi le psalmiste s'écrie, beaucoup disent, qui nous a montré les biens, et répondant aussitôt, il ajoute, la lumière de votre visage a été imprimée sur nous, Seigneur, psaume 6:6, parole qui est équivalent à celle-ci, tout est dévoilé en nous par le sceau de la lumière divine. Quoi qu'il en soit, indépendamment de cette lumière intellectuelle, notre âme a encore besoin de tirer des choses matérielles certaines espèces ou images intelligibles qui lui sont indispensables pour l'actualité de la science. Les raisons éternelles, dit saint Augustin lui-même, ne nous apprennent pas quels sont les divers genres d'animaux, l'origine de chacun d'eux et mille autres particularités que nous devons demander au temps et au lieu. Ce saint docteur, comme on le voit, voulait principalement parler de l'état des bienheureux, en disant que l'âme aperçoit tout dans les raisons divines. 6. La connaissance intellectuelle est-elle prise des choses sensibles? Démocrite, identifiant l'intelligence avec les sens, n'assignait d'autre cause à nos connaissances que l'impression toute matérielle des corps. Note. Erreur renouvelée par Condillac. Fin de la note. Pour Platon, qui niait que les objets sensibles eussent aucune action sur notre âme, l'intelligence était seulement avertie par les sens d'entrer en exercice. Aristote prit un terme moyen, il admit, avec Platon, que l'entendement diffère essentiellement des sens, et, avec Démocrite que les opérations de la partie sensitive de notre âme résultent de l'impression des sens, faisant ainsi de la sensation l'acte de l'âme et du corps réunis. Il se détacha de Démocrite en enseignant que l'intelligence possède une opération propre et indépendante de son union avec le corps. Comme il le dit, l'impression des choses sensibles ne suffit pas pour l'action intellectuelle, il faut quelque chose de plus noble, l'intervention d'un principe actif, qui est l'intelligence. Il n'entendait pas non plus, comme Platon, que l'opération intellectuelle soit produite en nous par l'impression unique des formes supérieures. Il jugea bien que notre intelligence a besoin des images recueillies par les sens et rendues intelligibles par l'abstraction des conditions matérielles, ce qui est le fait de l'intellect agent. Nous dirons avec lui que la connaissance intellectuelle, sous le rapport des images, est causée par les sens, mais que, les images ne pouvant modifier par elles seules l'intellect passif sans l'intellect actif qui les rend elles-mêmes intelligibles, La perception des sens n'est pas la cause totale et entière de la connaissance intellectuelle. Elle fournit seulement une matière à la cause elle-même, c'est-à-dire à l'intelligence, qui sait ensuite s'étendre au-delà. Note. L'intelligence n'est pas renfermée dans l'étroite limite des sens. Elle en tire, il est vrai, ses premiers éléments, mais c'est pour entrer bientôt dans une sphère qui lui est propre, où elle se met en communication avec les idées éternelles et nécessaires. Les images qui lui viennent par les sens sont, dit très bien le père Ventura, la matière sur laquelle s'exerce l'opération de l'entendement actif, mais elles ne sont pas le principe et la cause de cette opération, tout comme le marbre, qui est la matière sur laquelle l'artiste exerce son talent et forme la statue, n'est pas le principe, la cause de ce talent, tout comme les objets sensibles, qui sont la matière sur laquelle s'exerce la faculté de voir, ne sont pas le principe, la cause de cette faculté. Fin de la note. 7. L'âme peut-elle connaître quelque chose par les espèces intelligibles sans recourir à des images sensibles ? L'âme, répond le philosophe, ne connaît rien sans images. Si l'on soutient le contraire, qu'on nous dise pourquoi notre intelligence, qui est indépendante en soi de tout organe corporel, perd la connaissance des choses dont la science lui était familière, aussitôt que, par suite de la lésion d'un organe, l'imagination ne fonctionne plus, comme chez les frénétiques, ou que la mémoire est paralysée, comme dans la léthargie. Ce fait ne démontre-t-il pas qu'elle a besoin des sens, de l'imagination et des autres puissances de la partie sensitive? Une autre preuve de cette vérité, c'est notre propre expérience. Lorsque nous faisons effort pour comprendre, nous formons dans notre esprit des images, des exemplaires dans lesquels nous cherchons à voir, pour ainsi parler, ce que nous voulons comprendre. Pour expliquer une vérité à quelqu'un, nous nous servons encore d'exemples et de comparaisons qui l'aident à comprendre. La raison n'est que notre intelligence est proportionnée aux objets qu'elle doit connaître. Celle des anges, qui est dégagée de toute matière, comprend par les seules espèces intelligibles, parce qu'elle a pour objet propre les substances spirituelles séparées du corps. L'esprit humain, uni à un corps, a pour objet propre de ses connaissances la nature des choses visibles. Voilà pourquoi, quand il s'élève aux choses invisibles, il lui faut constamment recourir aux images. Note. Nous n'avons la notion des substances spirituelles que par comparaison avec les êtres sensibles. Pour concevoir un esprit, il nous faut les images des corps, bien que les esprits ne puissent être représentés par aucune image. Dieu a voulu que l'esprit humain s'élevât par la nature des choses visibles, qui est l'objet propre de nos conceptions, à la nature des choses invisibles. Le mystère de l'incarnation repose en grande partie sur cette vérité. Fin de la note. 8. Le jugement de la raison est-il empêché par les entraves des sens? Notre esprit, qui ne comprend rien ici-bas que par comparaison avec les choses sensibles, ne pouvant parfaitement juger sans l'usage libre des sens par lesquels il connaît ces choses, il est constant que le jugement de la raison peut être suspendu par les entraves qui pèsent sur nos sens. Note. L'imagination, pendant la captivité des sens, ne produit plus d'images, ou, si elle en forme encore quelques-unes, ce sont des images déformées, comme on le voit chez les personnes atteintes de la fièvre. Aussi, dans nos rêves, les raisonnements que nous faisons sont-ils toujours défectueux en quelques points? Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome premier. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.